إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 47 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam avec le sharh de Sheikh Abdullah Al-Bassam rahimahullah Taysir Al-Allam. Donc on est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 91 et on est toujours dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith 91, hein, il nous reste deux hadiths à expliquer dans ce chapitre, hadith 91 et le hadith 92. Donc on va lire ensemble ce hadith. Le premier c'est عن قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها أخرجه البخاري ومسلم. Donc le hadith il est rapporté sur Abi Qatada l'Ansari radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat alors qu'il portait Umama, la fille de Zainab, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'enfant donc de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Shams. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général du hadith, Al-Ma'na al-Ijmali, كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة وكان يتودد إلى الصغار والكبار والأغنياء والفقراء ولا أدل على أخلاقه الكريمة من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة حيث يجعلها على عاتقه إذا قام فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض ففي هذا السماح الكريم تشريع وتسهيل للأمة المحمدية. Donc le cheikh il explique le sens général de ce hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait un sens très grand de donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était très doux et affectueux et il avait beaucoup de miséricorde et de sollicitude. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les enfants et il aimait les personnes âgées et les petits et les grands. Yani, il ne faisait pas de différence. C'est-à-dire, yani, il, il, il traitait pas les enfants d'une façon comme si yani il cherchait yani subhanallah كان يتودد الى الصغار والكبار. Donc yani il avait une attention pour les grands et pour les petits, pour les riches et pour les pauvres. Donc il faisait pas de différence hein, dans sa façon de se comporter, de traiter les grands et les petits avec autant d'attention et autant d'affection et autant de douceur et de miséricorde. Et il y a rien qui montre plus la noblesse du comportement et du caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le fait qu'il portait par exemple ses petits enfants pendant qu'il faisait la salat. Et lorsqu'il faisait la salat et qu'il était debout, il les portait sur son épaule. Et lorsqu'il se prosternait ou lorsqu'il s'inclinait, eh bien, il les posait par terre. Et il y a dans ça un signe de yani, sa tolérance. Et la tolérance également dans le fait qu'il ait légiféré cela pour la Ummah. Et que c'est quelque chose qui est dans le but de faciliter. Hein, les choses pour la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikhtilaf al-ulama, les divergences entre les ulama au sujet de cette question. Awrad ibn Daqiq al-Aid ta'wilat kathira ba'ida li hadha al-hadith fi sharh hadha al-kitab. Wa minha da'wa al-naskh wa da'wa al-khususiyyah wa da'wa ad-darura wa ghayri dhalika mimma huwa asqat ta'wilan وأضعف قيلا. وقال القرطبي وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. وقال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. Donc ici le cheikh explique que Ibn Daqiq al-Aid, un des ulama, il a mentionné dans son charh de Umdatul Ahkam certaines interprétations, hein, de nombreuses interprétations qui sont très éloignées hein, du sens réel de ce hadith. Et yani, il dit que parmi ces interprétations-là, il y a la prétention d'abrogation. C'est-à-dire de ceux qui ont prétendu que le hadith en question a été abrogé, ou d'autres qui ont prétendu que c'était un hadith qui était spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que c'était uniquement permis à lui de le faire. D'autres prétentions ont été données. Certains ont mentionné la nécessité. Et le cheikh, il dit, toutes ces interprétations sont des interprétations qui sont très faibles, hein, très faibles et qui ne tiennent pas la route. Et il dit le cheikh que l'imam al-Qurtubi l'a mentionné que les ulama ont divergé dans leur interprétation de ce hadith là et que ça a amené beaucoup d'entre eux à ou plutôt qu'est-ce qui les a amenés à essayer de l'interpréter et qu'est-ce qui a amené plusieurs d'entre eux à essayer d'interpréter ce hadith de différentes façons, c'est le fait que dans l'acte de porter un enfant pendant la prière, il y a beaucoup d'actions. Et certains ulama, les ulama ils mentionnent parmi les conditions ou bien plutôt parmi les choses qui peuvent annuler la prière d'une personne pendant sa prière, c'est le fait de faire beaucoup de mouvements. Hein, de faire beaucoup de mouvements ou de beaucoup d'actions, et le fait de porter un enfant parfois ça peut amener quelqu'un à avoir beaucoup de mouvements dans sa prière et des mouvements qui n'ont pas rapport avec la prière elle-même. Et il dit que l'imam al-Nawawi, après avoir rapporté plusieurs de ces interprétations qui ont été mentionnées par certains ulama, il dit toutes ces interprétations sont des prétentions qui sont fausses et rejetées et sur lesquelles il n'y a pas de preuves, hein, au sujet desquelles il n'y a pas de preuves. Et le cheikh dit ensuite: وتبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته، وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة، ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. Donc le cheikh il explique que on peut comprendre donc que la position qui est correcte, c'est celle sur laquelle se tient les savants qui ont analysé et vérifié ce sujet-là, et qui en sont venus à la conclusion que ce genre de mouvement est permis dans toutes les prières, que ce soit de la part de l'imam lui-même ou de ceux qui prient derrière l'imam, ou que ce soit de la part d'une personne qui prie seule, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, a porté un enfant dans la prière pour montrer que cela est permis en islam, et que parfois même il faisait la prière en montant sur le mimbar et en descendant du mimbar lorsqu'il voulait se prosterner, dans le but de montrer aux musulmans sa prière, comment il faisait sa prière. Donc il montait sur le mimbar et il leur montrait les gestes de la prière, puis il descendait. Donc tout ça pour leur montrer la prière, pour être certain que on le voyait bien. Et également, parmi les exemples qui ont été mentionnés ici par le cheikh, c'est que parfois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il faisait la salat et il ouvrait la porte de la maison pour Aïcha radiyallahu anha, pour la laisser rentrer, et ainsi que d'autres actes également qui ne viennent pas porter préjudice ou de faire qui viennent pas diminuer la prière. Et on peut tirer de ça également, on peut tirer comme point bénéfique également de ce hadith que il est permis donc de faire ce genre de mouvements qui sont simples et minimes, lorsque c'est pour un besoin. Et ensuite le cheikh il dit wa ma yu'khadhu min al hadith, donc le cheikh il mentionne trois points de qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique. Donc il mentionne le premier point, جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. وهذا قول محقق العلماء. Donc le premier point, c'est qu'il est permis de faire ce genre de mouvement pendant la salat, que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, que ce soit fait par l'imam ou par ceux qui prient derrière l'imam, ou lorsque quelqu'un prie tout seul, et même lorsque ce n'est pas pour une nécessité. Et ça, c'est la position des savants qui ont fait les vérifications et les clarifications sur ce sujet. Ensuite, le cheikh il mentionne comme point numéro 2, جواز ملامستي وحملي من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن وهو هنا نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم ونعم نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. Donc le cheikh explique ici la permission de toucher et de porter ce qu'on peut avoir un doute, ou plutôt ce qu'on pourrait soupçonner d'être en état d'impureté ou d'être impur. Donc la permission de porter ou de toucher ce dont on soupçonne l'impureté, en donnant précédence aux règles de base à ce sujet dans la religion, c'est-à-dire que l'état de base d'une chose, c'est l'état de pureté. Donc on donne la priorité à l'état de pureté jusqu'à preuve du contraire, hein, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on a la certitude du contraire. Et il dit يعني وهو الطهارة على غلبة الظن وهو هنا نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. Donc il dit ici, on donne priorité à la base, c'est-à-dire l'état de pureté, sur ce qu'on soupçonne, hein, en général, c'est-à-dire l'état d'impureté des vêtements ou du corps des enfants. D'accord? Donc malgré que c'est possible, ou que ça arrive très souvent que les enfants soient en état d'impureté, ou qu'ils aient de l'impureté sur eux-mêmes ou sur leurs vêtements, malgré ça, yani, on voit que il est permis, hein, de les porter et de les toucher pendant la salat, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et en plus, à l'époque, hein, il n'y avait pas comme aujourd'hui des moyens aussi efficaces que maintenant pour empêcher les impuretés en question de sortir ou de toucher les personnes qui portent l'enfant. D'accord? Donc aujourd'hui il y a des choses qu'on peut faire porter aux enfants qui protègent un peu plus contre les dégâts ou les débordements, même si parfois ça peut se produire malgré tout, mais il y a de façon générale, disons que on peut prévenir ce genre de choses. Et le cheikh, il mentionne comme point numéro 3, tawadu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lutfu khuluqihi wa rahmatihi. Il dit, on voit ici le point numéro 3, la modestie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son humilité dans le fait que justement il porte un enfant pendant sa prière, et sa douceur, hein, son comportement et sa miséricorde. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre point, il dit وَقَسَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءَ الْحَرَكَةُ فِي الصَّلَاةِ قَسَّمَ الْعُلَمَاءَ الْحَرَكَةَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ حَسْبَ الْإِسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ مِنْ نُصُوصِ الشَّرْعِ. Donc le cheikh explique que les ulama, ils ont divisé les mouvements qu'on peut faire dans la prière en 4 catégories. D'accord? Et il dit que cette division que les ulama ont fait des mouvements qu'on peut faire dans la prière, ou des mouvements qui sont faits pendant la prière, ont été déterminés par rapport à ce qu'on a lu des textes en suivant en cherchant dans les textes de la charia les cas présents, et on a trouvé les 4 catégories suivantes. Donc on va mentionner ces exemples là. Le cheikh il dit al-qism al-awwal yahrum wa yubtil as-salat wa huwa al-kathir al-mutawali li ghayri darurah wa li ghayri maslahah as-salat. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Al-qism al-thani yukrahu fi as-salat wa la ولا يبطلها وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه. Donc on va commencer par ces deux premiers points. Le cheikh il mentionne le premier point, la première catégorie des mouvements qu'on peut faire dans la prière, c'est les mouvements qui annulent la validité de la prière et qui sont interdits. Et le cheikh il explique que ce sont une grande quantité de mouvements qui sont faits les uns à la suite de l'autre, sans que ce soit par nécessité et sans que ce soit relié au bien, à l'intérêt de la prière elle-même. Donc ça, c'est qu'est-ce qui annule la validité de la prière et qu'est-ce qui est interdit. C'est-à-dire plusieurs mouvements qui sont faits les uns à la suite de l'autre sans que ce soit nécessaire et sans que ce soit relié à la prière elle-même. Le point numéro 2 ou la catégorie numéro 2, c'est qu'est-ce qui est détestable de faire pendant la salat mais qui ne l'annule pas. Et c'est le fait de faire un peu de mouvement sans qu'il y ait un besoin réel de les faire. Et parmi les mouvements qui sont faits dans la prière et qui ne sont pas reliés à la prière elle-même ou au bien de la prière elle-même, comme par exemple le fait de jouer avec ou de jouer avec nos vêtements un peu, ou bien avec certaines parties de notre corps, ou bien par exemple de faire des certains mouvements comme ça. Il y a certaines personnes, ils ont tendance toujours à jouer avec leurs vêtements ou avec leurs doigts ou avec quelque chose comme ça, donc sans que ce soit sans que ce soit trop exagéré, ce soit des petits mouvements comme ça, et si c'est fait sans que ce soit nécessaire, ou plutôt sans qu'il y ait un besoin pour le faire, et sans que ce soit pour le bien de la prière elle-même, eh bien le cheikh, il dit que dans ce cas-là, c'est des choses qui viennent annuler la concentration exigée dans la prière. Et donc, il y a aucun besoin qui appelle à ce genre de mouvement-là. Donc, ça diminue la concentration et l'humilité dans la prière. La troisième catégorie, al-qism al-thalith al-harakat al-mubaha, وهي اليسيرة للحاجة ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة رضي الله عنها ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. Donc la troisième catégorie de mouvements, c'est les mouvements qui sont permis, c'est-à-dire si c'est des mouvements qui sont peu et qui sont pour un besoin quelconque. Et il dit que probablement que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait en portant par exemple cet enfant ou maman, ou bien lorsqu'il montait sur le minbar ou lorsqu'il descendait pendant qu'il faisait la salat pour montrer aux sahaba comment il faisait la salat, ou bien lorsqu'il ouvrait la porte pour Aisha radiallahu anha, ce genre de mouvement là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait pour un besoin et pour clarifier la permissibilité de le faire. Et la quatrième catégorie, al-qism al-rabi' al-harakatu al-mashru'a, وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به و كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو الضرورة وكإنقاذ من هلكة. Donc la quatrième catégorie, c'est les mouvements qui sont légiférés. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les mouvements qui sont légiférés dans l'islam, dans la prière, lorsque c'est quelque chose qui est relié au bien de la prière elle-même. Par exemple, lorsque quelqu'un est dans un rang et qu'il y a un espace vide en avant de lui, dans un rang devant lui, alors dans ce cas-là, de se déplacer pour aller remplir le rang qui est vide, ou bien dans le rang dans lequel il y a un espace devant lui, il avance pour combler cet espace, eh bien ça c'est un mouvement qui est légiféré. De même que lorsqu'il y a un trou dans les rangs, il avance pour combler l'espace, comme on a dit, ça aussi, ça fait partie des choses qui font partie des bienfaits de la salat elle-même. Aussi, lorsque quelqu'un fait un mouvement qui est louable et qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le fait de faire avancer des gens qui sont dans la prière ou de les faire reculer, soit par rapport à la prière de la crainte ou pour une nécessité quelconque, comme par exemple lorsqu'on veut sauver quelqu'un pour éviter qu'il périsse ou qu'il lui arrive quelque chose. Naam. Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, on arrive donc maintenant au hadith suivant, qui est le hadith numéro 92. Et le hadith 92, qui est le dernier hadith dans ce chapitre au sujet de la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yani bab sifatu salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va donc lire ce dernier hadith-là. Le hadith est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أخرجه البخاري ومسلم. Donc ici, يعني le cheikh il a rapporté un hadith selon Malik, Anas ibn Malik, rapporté par al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, redressez-vous pendant le sujoud, et n'étendez pas vos avant-bras sur le sol à la façon des chiens, comme le chien étend ses avant-bras sur le sol. Donc, de ne pas imiter le chien dans la façon de se prosterner. Et malheureusement, on voit beaucoup de musulmans parfois qui se prosternent de cette façon. Et Allah musta'an, ça c'est parmi les choses qui ont été interdites. Le cheikh, il explique le sens général de ce hadith. Il dit أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّ عَلَى هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ فِي السُّجُودِ حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه لأن هذه الحال عنوان النشاط والرغبة المطلوبين في الصلاة ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة ونهى عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل والملل وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخس الحيوانات وأقذارها وهو تشبه بما لا يليق. Donc le cheikh il mentionne parmi les sens généraux de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné d'être droit pendant le sujoud et d'être, c'est-à-dire, dans la meilleure position possible pendant le sujoud et de placer les mains sur le sol en soulevant les avant-bras de chaque côté du corps, qui démontre un état de motivation et d'un état d'énergie de la part de la personne, qui sont des choses exigées pendant la salat, tandis que la personne qui se prosterne en laissant par exemple ses avant-bras traîner sur le sol, eh bien, c'est comme si il démontre une certaine paresse et une certaine ennui. Donc, en même temps, lorsque la personne va prier et qu'il va soulever ses avant-bras du sol de chaque côté, il donne à chaque membre pendant la prosternation sa part de cette adoration-là. Donc, le cheikh, il dit, et également, il y a le fait que lorsque la personne prie en laissant ses avant-bras toucher le sol, il ressemble, hein, il fait ressembler cette position qui fait partie des meilleures positions de l'adoration, c'est-à-dire la prosternation, il fait ressembler cette position-là à la position ou à l'état d'une des pires, une des bêtes les plus impures et les plus sales, et il donne yani le fait que de faire ce genre de ressemblance, c'est quelque chose qui n'est pas convenable. Donc de faire ressembler la prière à la position du chien. Et il dit ensuite, wa ma yu'khadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Il a mentionné trois points. Le premier, mashru'iyatu li'tidal fi as-sujud 'ala al-hay'ati al-mashru'a. والثاني النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل وفيه تشبيه بجلوس الكلب فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة. والثالث يعني يؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات. Donc les trois points sont les trois points suivants. C'est que lorsque quelqu'un il fait la salat, lorsque quelqu'un fait la salat, il est légiféré par rapport à ce hadith là de faire le sujoud, de se prosterner de la manière qui a été légiférée. Le deuxième point, l'interdiction d'étendre ses avant-bras sur le sol, qui démontre une certaine paresse de la part de la personne et qui ressemble à la façon dont s'assoit le chien. Et le cheikh il dit ensuite de ressembler, d'imiter les choses qui sont basses, qui ne sont pas propres, eh bien c'est pas quelque chose qui doit être fait dans la salat. On doit délaisser ce genre de choses. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit qu'est-ce qu'on peut tirer également. C'est l'interdiction de ressembler aux animaux pendant la prière, en particulier dans les positions de des adorations. Et le cheikh il dit ensuite, fa'idatun jalila, ورد الامر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة ونهى عن الالتفات كالتفات الثعلب وافتراس وافتراش كافتراش السبع السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس والشمس جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته وبروك كبروك الجمل وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات لأن الصلاة مناجاة لله فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة. Donc pour terminer, le cheikh il mentionne un point qui est bénéfique ici. Et c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont interdit ils ont ordonné plutôt de se différencier des animaux pendant la prière. Peu importe que ce soit un animal qui soit un animal sale ou un animal noble. Dans tous les cas, on doit se distinguer des animaux pendant la prière, lorsqu'on fait les positions de la prière. Et il dit que, par exemple, il nous a interdit de se tourner comme le renard. Hein, le fait de tourner la tête pendant la prière, ça c'est quelque chose qui est interdit. « Waftirash, kaftirash, subur » Donc, de s'asseoir de la façon des bêtes sauvages, hein, les animaux de proie, la façon comment eux ils s'assoient, de s'asseoir aussi sur les talons comme le chien, hein, quand le chien il fait une pause comme ça là, ou bien de picorer comme le corbeau, hein, lorsque quelqu'un se prosterne, il doit pas le faire rapidement comme l'oiseau quand il pique par terre, il doit prendre son temps de trouver la tranquillité et le repos dans chaque mouvement. Et il dit également, il ne doit pas faire des signes avec ses mains pendant la prière, comme la queue du cheval, qui est un cheval qui est un peu, comment on dit, qui est pas dompté ou qui fait n'importe comment. De pas se s'asseoir ou de pas se prosterner quand on descend pour la prosternation, en faisant comme les chameaux. Et également, donc ça fait partie de tous les exemples qui ont été mentionnés dans certains hadiths de l'interdiction d'imiter certains animaux en particulier, parce que la prière c'est, on est en train de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'on fait la prière, et donc il faut être dans la meilleure posture possible et la meilleure description, la meilleure position possible. Donc on ne doit pas imiter ce genre de position des animaux. Et ça, c'est, comme je dis, ça a été mentionné dans plusieurs hadiths. Et donc ça fait partie des exemples des hadiths qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Et donc c'est ce qui, maintenant, qui conclut le chapitre sur la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, c'est le chapitre qui s'intitule « Babun, hein, au babu wujoubi tama'ninati fi ruku'i wa sujoud ». C'est-à-dire l'obligation de prendre une position, hein, de trouver la tranquillité et le repos dans chaque yani, mouvement qu'on fait dans la prière, et le rukou' et le sujoud en particulier. Et il a cité à ce sujet le hadith de Al-Musi Salatahu. Hadith Al-Musi Salatahu. Donc, si vous voulez, je peux juste lire le hadith pour aujourd'hui. Mais en ce qui concerne l'explication du hadith, on va le laisser pour la semaine prochaine, inshallah. Donc le hadith, c'est un hadith très célèbre, et ce hadith est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et il dit an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjid. Fa dakhala rajulun fa salla. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم اركع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري ومسلم. Donc ça, c'est un hadith très important et très bénéfique que les ulama ont mentionné souvent dans les questions de fiqh. C'est le hadith de celui qui ne savait pas bien prier. Et c'est rapporté, comme on a dit tout à l'heure, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée. Puis il y a un homme qui est rentré après lui et qui a fait la salat. Puis ensuite, il s'est dirigé vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit le salam, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, retourne faire ta prière, tu n'as pas prié. Alors l'homme est retourné faire sa prière. Il a prié comme il avait prié la première fois. Puis il est revenu vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne faire ta prière, tu n'as pas fait la salat. Hein, retourne faire ta salat, tu n'as pas fait ta salat. Alors l'homme est retourné la faire encore une fois, et il est revenu en tout il a fait ça trois fois. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit l'homme? Il a dit, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai fait. Alors enseigne-moi, hein, apprends-moi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Et il lui a dit, lorsque tu te lèves pour faire la salat, tu fais, hein, fakabbir, fais le takbir. Puis ensuite, tu récites ce que tu possèdes comme verset de Coran, comme surat dans le Coran. Ensuite, tu fais le recours jusqu'à ce que tu te sentes en repos dans le recours. Puis, tu te relèves jusqu'à ce que tu te sois redressé complètement debout. Puis, tu te prosternes jusqu'à ce que tu retrouves le repos pendant ta prosternation. Puis, tu te relèves jusqu'à ce que tu te sois, hein, reposé assis. Tu retrouves ta position de tranquillité quand tu es assis. Puis tu recommences cela dans toute ta prière. Donc qu'est-ce qui nous semble être la situation par rapport à cette personne, c'est qu'elle faisait sa prière trop rapidement. Elle prenait pas le temps de se reposer entre chaque mouvement lorsqu'elle faisait le recours, lorsqu'elle faisait le sujoud, lorsqu'elle s'assoyait. Elle se précipitait peut-être trop rapidement, puis elle donnait pas le temps et le temps de se reposer en chaque mouvement pour vraiment donner la chance à chaque articulation de revenir à sa place, comme c'est mentionné dans l'explication. Donc on va y revenir à ce hadith là la semaine prochaine, inshallah, parce que le cheikh Al-Bassam rahimahullah, il a expliqué ce hadith là en profondeur et en détail, et il a ramené beaucoup de points bénéfiques sur ce hadith, et il a pris peut-être même presque 5 pages juste pour expliquer ce hadith. Donc on va le laisser pour inshallah pour la prochaine fois, et puis donc une fois qu'on l'aura expliqué par la suite, on va en sortir avec vraiment beaucoup de bien, inshallah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je m'excuse, Hassan, je sais que tu viens d'arriver. Ah d'accord. Là-bas, alhamdulillah. Ok, donc subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.